Laurence et Stéphane se sont infiltrés au Festival du Polar de Villeneuve-les-Avignon afin d'interviewer dans la pénombre les amateurs d'histoires obscures et les auteurs de romans noirs. Stéphane et Laurence à Villeneuve-les-Avignon pour le Festival du Polar. On interview Cathy Unsworth. Good evening. Good evening. Is it your first time in Villeneuve for this festival? Yes, it is. Tout à fait. C'est très beau. Je suis heureuse d'être ici. Et elle vient de Grande-Bretagne, hein, British. Oui, je vis à Londres depuis 30 ans. C'est très gentil, j'ai fait des efforts. La question suivante, c'est pourquoi vous êtes intéressée à la littérature policière, qui est quand même un genre très particulier, et depuis combien de temps vous écrivez ? J'ai rencontré un auteur fantastique nommé Robin Cook. Il est bien connu ici, contrairement à l'Angleterre, où il a peu de reconnaissance. C'était il y a 25 ans. J'étais alors journaliste musicale et il avait collaboré au disque d'un groupe que j'adore, nommé Gallon Drunk. Il était une sorte de figure punk pour moi, comme un Johnny Rotten des Sex Pistols, mais en littérature. Et après cette rencontre, j'ai voulu essayer de me confronter à ce style en écrivant, afin d'introduire un peu de culture pop dans une fiction qui retranscrit notre façon de vivre à Londres. C'est donc lui qui m'a inspirée. Bien que le contact se fait au travers de la musique, curieusement, il m'a mis le pied à l'étrier. What is your last novel here? The last one that came out here is Zarbi. Mon dernier roman publié en France s'appelle Zarbi. Il se passe lors des années 80 dans une ville balnéaire très semblable à celle où j'ai grandi. C'est une histoire d'adolescente et de sorcellerie, ou plutôt de la façon dont les relations néfastes entre les jeunes filles en pleine période de transgression peuvent être mal interprétées et sujettes à fantasmes. Une histoire gothique, en quelque sorte, dans tous les sens du terme. And did you know what Zarbi is in French? Un jeune Français m'a dit que ça signifiait bizarre à l'envers, que nous traduisons par weirdo en anglais. C'est comme ça qu'on m'appelait à l'école, alors ça me convient. What about your readers? Are you glad to meet them? J'ai rencontré des gens adorables ici à Villeneuve aujourd'hui. Des gens de toutes sortes, vraiment intéressants. C'est toujours agréable de faire des rencontres et je suis très heureuse d'être là. Is it your first literature festival in France? Where have you been before? I've been a few times in Paris, Lyon, Saint-Malo. Je suis allée quelques fois à Paris, Lyon, Saint-Malo et Nantes. J'en ai fait quelques-uns avec plaisir. J'avoue, vous avez des endroits formidables en France. And above Europe or France, Commonwealth, United States, perhaps? Je n'ai jamais participé à d'autres festivals en dehors de la France et de la Grande-Bretagne. J'ai voyagé dans d'autres pays, mais en tant que journaliste, pas en tant qu'auteur. We are gifted then. Well, and the last question, are you already working on another book? Another book will come out in. Mon prochain roman doit sortir en Grande-Bretagne en mars 2018. Il s'agit d'une authentique histoire de sorcellerie pendant la Seconde Guerre mondiale, très différente de mon précédent livre. J'aime me baser sur des faits historiques qui n'ont pas eu de réel dénouement à l'époque, car cela me permet de les aborder sous forme de fiction. Ça s'appellera « Cette bonne vieille magie noire ». Thank you so much. Thank you for talking to me. It's good for you. Le Festival du Polar de Villeneuve-les-Avignon aura lieu prochainement les 9 et 10 novembre 2018.